Voyez-vous, voici Gaëtan Racine qui va vous présenter la première pièce. Hey, salut, ça va bien le monde? Ouais! On va vous faire I'm Ready, Muddy Waters. As anybody can be. Yeah, I'm ready. Ready as anybody can be. You know I'm ready for you. I hope you're ready for me. I'm ready. Ready as anybody can be. Yeah, I'm ready. Ready as anybody can be. You know I'm ready for you. I hope you're ready for me. I got an ox and a pistol and a graveyard train. Shoot through my stone pool as on the boarding train. I'm drinking TNT and smoking dynamite. I hope some screwballs start to fight because I'm ready. Oh, ready as anybody can be. Yeah, yeah. Yeah, I'm ready for you. I hope you're ready for me. I've been drinking gin like it never before. I feel so good that I want you to know. One more drink, I wish you would. It takes a whole lot to love him. Make me feel good because I'm ready. Ready as anybody can be. Yeah. You know I'm ready for you. I hope you're ready for me. We'll be right back. know you feel like I ain't nowhere. But stop what you're doing, hey, come over here. I'll prove to you, baby, that I can't go square, because I'm ready. Ready as anybody can be. Hey, I'm ready for you. I hope you're ready for me. Jamais Muddy Waters a été aussi bien accompagné que ce qu'on vient d'entendre. On va maintenant entendre un autre membre du groupe qui va nous chanter une pièce. Il s'agit de Dan Goodrow. Bien sûr, ceux qui sont ici, plusieurs d'entre vous connaissent très bien les musiciens. Mais on va avoir quand même l'occasion d'aller s'entretenir avec chacun d'eux au cours de l'émission. Alors voici maintenant Dan Goodrow. Yo, merci. Chanson de Stephen Barry. So low, makes you crazy, man. What makes you feel so low? My head is burning like a place of comfort. Makes you crazy, man. What makes you talk so down? Makes you crazy, man. What makes you talk so down? My mouth is burning like the place where I come from. The devil said, why don't you work for me? Well, the devil said, why don't you work for me? Just a dollar day, but the wine and woman for free. Mr. Bartender, give me a glass of wine. Mr. Bartender, give me a glass of wine. If I can get Chablis, whiskey will do just fine. Mr. Crazy Man, what makes you feel so bad? Mr. Crazy Man, what makes you feel so bad, so bad? The craziest little woman the crazy man ever had. Pendant que Gaëtan s'approche de son micro, pour saluer les gens qui nous écoutent de très proche ici, mais on nous écoute également, je sais, on a des auditeurs sur la côte de Beaupré, on a des gens à Saint-Ferdinand, à Laval, à Sainte-Brigitte-de-Laval. Oui, ma soeur. Cool. Et il y a des gens qui nous écoutent en Floride, on le sait également. Alors, Guy et autres, très, très contents de pouvoir diffuser nos blues si grands. Et ça, c'est grâce à notre bande de ce soir, là. Racine Blues Band. Gaëtan, j'aimerais que tu nous parles un peu, parce que ça fait un bout, je pense, que tu fais de la musique. Comment ça a commencé, toute cette histoire avec toi? Toute cette histoire de musique? Oui, parce que c'est un long parcours. C'est la faute de mes parents. Ouais. Ils ont vu que quand j'étais jeune, c'est l'intérêt que j'avais, c'était la musique. Donc, ils ont parti, puis ils ont dit, tiens, toi, on va t'acheter des instruments de musique. Et là, je n'ai pas arrêté depuis ce temps-là. Depuis l'âge de 14 ans, je pourrais dire que je joue de la musique. T'as joué du Southern Rock, t'as joué du blues, je joue aussi, je suis auteur-compositeur, donc j'écris... On va en entendre quelques-unes tantôt, d'ailleurs. Oui, on va entendre quelques compositions, d'ailleurs. Je joue aussi régulièrement en solo, je fais des hommages, j'ai fait hommage même à Félix Leclerc. Je joue plein de francophones, anglophones, espagnols. Quand t'es pas en spectacle, t'enseignes la musique. Et quand je suis pas en spectacle, j'enseigne la musique, exactement. Donc, c'est la passion, hein, Michel? Donc, pour un musicien, c'est une vie de rêve. On pourrait dire ça. Parle-moi de ça. Est-ce que tu as un moment particulier? D'ailleurs, je pense que je vais poser la même question, parce que dans une carrière, il y a un moment qui nous a vraiment amené très haut. Pour toi, est-ce qu'il y a un sommet, un album, un show, une tournée, une rencontre? Oh, ben moi, quand j'étais jeune, j'allais voir beaucoup de shows. Un groupe qui m'a beaucoup marqué, ça a été Pink Floyd, c'est certain. Oui, puis il y a quelque chose qui m'a amené beaucoup vers le blues, c'est mon ami Gilles Siwi, que par une année, j'ai eu un téléphone, moi j'étais comme en break avec mon band de blues, et là, Gilles il m'a appelé, il dit, ça te tente-tu venir faire un show la semaine prochaine? J'ai dit, je connaissais même pas Gilles dans le temps, puis j'avais entendu parler de lui, j'ai dit, certain Gilles, je te rappelle demain, on se dit les tunes, et on est parti de même, c'est demain qu'on a commencé avec Gilles, puis lui il m'a donné l'inspiration vraiment du blues, là. Quand on dit Gilles Siwi, on peut pas dissocier de inspiration, justement. Et ce soir, j'ai l'impression que chacun des musiciens et beaucoup de gens dans la salle ont eu des contacts, j'allais dire, mystiques avec Gilles Siwi. Personnellement, en tout cas, je l'ai déjà vu jouer puis maîtriser une foule simplement d'un regard. Alors, je pense que ce soir, il est un peu avec nous autres. Absolument, je suis certain. Êtes-vous d'accord avec ça, vous autres? OK. Alors, on va, avant de s'attendrir, passer à une autre pièce que tu vas nous présenter, s'il te plaît. Nothing to lose. Ça va être une pièce de Ray Bombville. I ain't got much money, no big old house up on a hill, and no fancy car, honey, just to drive you around, give you a thrill. One thing I do have, it's better than all those things I'm talking about too long. But I wanna say, try me, you got nothing to lose. Nothing to lose. Ah, you say you've been searching. Looking for the love that won't let you down. Won't you see the forest, tomato trees? Ah, look a little closer. Please open up your pretty eyes. Try me, you got nothing to lose. I need to lose. That's gonna treat you with respect and love you right or wrong. You don't forget about the rest. Whoa, it's singing in front of you. Baby, you're not blind. All you got to do is open up your pretty eyes. Try me, you got nothing to lose. Nothing to lose. You got nothing to lose. You got nothing to lose. Nothing to lose. You got nothing to lose. You got nothing to lose. You got nothing to lose. You got nothing to lose. Racine Blues Band, c'était Chuck Spring. Un autre des trois chanteurs du groupe. On vous revient en onde tout de suite après la pause publicitaire. Je vous rappelle que vous pouvez tout de suite aller voir sur les encans le lot numéro 24. Ça vous permettrait de peut-être venir passer un 2 heures avec moi pour co-animer une émission de blues. Allez regarder ça. Vous avez toute la fin de semaine pour y penser. On est parti un peu. OK, c'est reparti, mes chers amis. C'est le Radioton de CKRL et nous sommes à la soirée blues avec le Racine Blues Band. Et on en est déjà à notre deuxième demi-heure et ça repart immédiatement. Mais avant, je veux vous inviter, si vous n'êtes pas trop loin, à Limoilou, à Charlebourg, à Beauport, à Sainte-Foy, à Charlebourg. Venez au 405 3e avenue. La bière est froide. La belle Isabelle va vous en servir une frette avec grand plaisir et un grand sourire. Et ce band qu'on appelle donc Racine Blues Band va enchaîner avec ma demande spéciale, reprise de B.B. King, Rock Me Baby. Rock me, baby. Rock me all night long. Rock me, baby. Rock me all night long. Rock me, baby, like my back ain't got no bones. Roll me, darling. I want you to roll me like a water wheels. Roll me, babe. I want you to roll me like a wagon wheel. I want you to roll me. You know how God made me feel. Yankee baby. Wanna ride me all night long. Rock me, baby. I want you to rock me. Rock me all night long. Why did you rock me, baby? Like my back ain't got no bone. Hey, j'ai une question pour vous. Qui a dit que le blues est démodé? Le blues n'a jamais été à la mode, mais il va toujours être là, c'est clair. Avec ce qu'on vient d'entendre là, là c'est infini, immortel. On parlait de B.B. King tout à l'heure. On va aller voir un autre grand, un autre géant du blues. Muddy Waters, I got my mojo working. Yeah! They got my mojo working, but it just don't work on you. I want to love you so bad, till I don't know what to do. I go down Louisiana, get your mojo there. I go in down Louisiana, get your mojo there. Oh, you love you so bad, let's hold it like a man. Oh, got my mojo working. I got my mojo working. I got my mojo working. They got my mojo working. I got my mojo working, but it just don't work on you. One more. I got my mojo working. I got my mojo working. Oh, got my mojo. They got my mojo working. Got my mojo working. Just don't work on you. OK. Celui que vous avez entendu au clavier s'appelle Daniel Gaudreau, Dan, et j'aimerais m'entretenir avec lui. Ça fait des années. Pour moi, ça fait 40 ans qu'on se connaît, oui. Ah, sûrement. Minimum. Au cirque électrique, ça a-tu commencé là? Aussi, oui. On allait voir les bandes de métal. Oui. Tu as toujours joué du clavier, mais tu n'as pas toujours eu autant de cheveux et de barbe. En effet. Tout à l'heure, je regardais le band puis je me disais, c'est une occasion en or pour quelqu'un qui fait de la photographie. On a vraiment tous les styles. Cheveux, pas cheveux. Du plus au moins. Mais il y en a qui disent les cheveux, c'est comme des antennes. Puis c'est dangereux parce que des fois, j'en pogne trop. Tu dois en prendre en cyber. Ils sont cassés un peu, là, fait que je pogne pas tout. Mais dis-moi, je me rappelle t'avoir vu même faire du reggae. Oui, en effet. Mais y a-tu des musiques que tu fais pas? Oui, la musique plate, là, celle-là qui m'énerve. Là. Quand je te vois assis derrière ton clavier, la première image sonore qui me vient en tête, c'est l'intro des Doors, Light My Fire. Oui. Tu l'as fait une couple de fois. Light My Fire, tu parles de Riders on the Storm. Riders on the Storm aussi, oui. Ouais, Light My Fire aussi. Ça a été une très belle influence. Ray Manzarek, c'est... Ouais. Là, on va faire quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Veux-tu me faire une minute de Riders on the Storm? Oh! J'ai pas ma pédale de sustain pour la belle bas, finale. Hein? Désolé. Alors, ça va aller au Radioton l'an prochain. Ouais, ben, peut-être pour. Si on a une troisième partie, je mettrai le sustain pédale. Parfait. Alors, on va terminer peut-être quelque chose comme ça. Ouais, avec une petite ambiance là-dessus. Ouais. Excellent. OK. Désolé. Tu as joué avec je pense à Steve Tremblay, à Jay Sewall. Oui, on pourrait nommer beaucoup de monde. Guitar Racine. J'ai le Siwi aussi. Oui. C'est quoi ton plus beau moment à toi en musique? Ah, il y en a tellement, ça serait dur à dire. Un moment très fort que j'ai vécu en France, c'est la fin d'une tournée avec Gilles Siwi et Steve Tremblay. On avait joué dans un bar jazz à Isanka. Et on avait terminé la tournée. C'était quoi? The Messiah Will Come Again. Yeah. Oh, Roy Buchanan. Oui, c'était le playing de Gilles. Oui, oui. Très intense. Ça devait être. J'ai le cœur gros, il pense. Tu vois, à chaque fois qu'on mentionne Gilles Siwi, il y a quelque chose qui arrive qui fait ça quelque part d'en haut. Oui, en effet. C'est fantastique. Présent. OK. Bien, Gilles, Gaëtan, tout à l'heure, merci d'abord, Dan. Plaisir. Ben, faut que tu dises, Michel, que Gilles est avec nous autres à soir. Oh, hein? Tout à fait. On a tous joué avec ce gars-là. Oui. Pis, Mais Gaëtan, je pense que la prochaine, c'est une de tes compositions. Non, pas tout de suite. Pas de suite? C'est un de mes chums, même, qui l'a fait. Il s'appelle Eric Clapton. Ah, oh, ouais! Alors, on va... C'est pas une joke, là. Place à Eric Clapton. I can feel your body when I'm lying in my bed. There's too much confusion going around through my head, and it makes me so angry to know that the flame will still burn. I'll never get over. I know now that I'll never learn. Old love, well, leave me alone. Hold on, go on, go on, I can see your face, but I know that it's not real, it's just an illusion caused by all I used to feel, and it makes me so angry to know that the flame will always burn. Why can't I get over? I know now that I'll never learn. Hold up, leave me alone. Hold up, go on, go on, m'apprend à l'instant que des courriels arrivent et des textos plutôt. Ça nous écoute de la Côte-de-Beaupré. Ça nous écoute, on nous a dit tout à l'heure, du Saguenay. Alors, on est très, très content de voir que cette petite salle ce soir rayonne, mais très, très loin. Et bravo, c'est de la belle musique. Puis ça mérite d'être entendu et d'être bien diffusé. Je voudrais en profiter. Je sais que c'est très inside, très égoïste, mais j'ai mon fils, mon petit-fils, ma petite-fille qui sont avec moi. Je suis content. Alors, ceux qui sont à l'écoute, vous allez avoir une belle séance de pub d'environ 5-6 minutes. Nous, on va se calmer les nerfs un petit peu et on va vous revenir pour une deuxième heure de blues dans quelques instants. Merci d'être là. Cette radio qui carbure au souffle et à l'âme des poètes. Alors, on donne généreusement. Nous sommes de retour pour la deuxième heure du Radioton de Blues CKRL avec le Racine Blues Band. Et avant de passer à la première chanson de cette heure, j'aurais une communication importante à vous faire. Le directeur général vient de me donner un petit papier qui m'a collé sur l'index. C'est marqué ici le chiffrier actuel. Vous savez que notre objectif est de 42 000 $ et ça fait à peine quelques heures que c'est commencé et nous avons 7 511 piastres de ramasser. Et là-dessus, je dois remercier un donateur particulier qui ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'il travaille, mais il a fait un don d'un montant de 1000 $ et je pense que ça vaut la peine d'applaudir ça. C'est un type qui écoute l'émission régulièrement. J'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer, mais il m'a dit que cette émission-là lui faisait du bien et qu'il était content de contribuer à ce niveau-là. C'est assez fort. Et maintenant, place à la musique. Une composition de Gaétan Racine. Lorsque tes nerfs se mettent en boule et que ton cœur se veut criant, lorsque la foule se retourne pour entendre ses cris dans ta voix, chante le blues. Chante le blues comme tu peux le faire. Chante le blues. Chante le blues à ta manière. Quand t'as plus rien en dessous des pieds, que tes souliers marchent de misère, la vie, la rue, la liberté, c'est un trésor dans ton enfer. Et chante le blues. Chante le blues comme tu peux le faire. Chante le blues. Chante le blues à ta manière. Thank you. chante le blues. Chante le blues comme tu peux. Chante le blues comme tu peux le faire. Chante le blues. Chante le blues à ta manière. Bravo. Je vous rappelle, si vous nous écoutez à la maison, en voiture, vous pouvez toujours passer au 405 3e Avenue. Non seulement il y a de la bonne musique, mais dès l'entrée à la station, vous allez pouvoir regarder qu'est-ce qu'on a à vous offrir à des prix ridiculement bas, de très bons magazines, des livres, des CD et des T-shirts. Alors, ne serait-ce que pour l'aubaine de venir. Et oh, Isabelle me fait signe qu'elle vend de la quoi? Et j'ai même vu des gens circuler avec des pointes de pizza, mais on ne sait pas d'où ils viennent, mais ça sent bon dans le secteur. Ah, ben on me dit que ça serait de la Salvator qui serait offerte. Alors, Saint-Vallier, ouais, bravo. Ouais, c'est 95 Saint-Vallier Ouest. Merci beaucoup, Salvatore, d'offrir à nos... Je connais le boss personnellement, hein, vous savez. Cool. OK. Hey, on a parlé tout à l'heure d'Eric Clapton. Moi, j'en ai pas eu assez. Et il y avait un truc qu'il a fait avec Duane Allman. Et ça parlait d'un déchirement épouvantable d'un gars qui se fait voler sa femme. Et cette fille-là s'appelait comment déjà? Léa! What will you do when you get lonely? No one's waiting by your side. You've been running, hiding much too long. You know it's just you put his pride later. You've got me on my knees later, begging, darling, please later. Darling, won't you ease my worried mind? Try to give you consolation. Your old man let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Layla, you got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Make the best of this situation before I finally go insane. Please don't say you'll never find a way. Tell me all my love in vain, Layla. You've got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Oh, Layla. You've got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? We'll be right back. You've got me on my knees, Layla, begging, darling, please, Layla. And darling, won't you ease my world and mine, Layla? You've got me on my knees, Layla, begging, darling, please, Layla. And darling, won't you ease my world and mine? My knees are Layla, but darling, won't you ease the Layla? But darling, won't you ease my wooden mind? Hey, hey! Whoa! Hey, merci. Ce bon solo de guitare qu'on vient d'entendre était l'œuvre de M. Chuck Spring. Chuck, bonsoir. Ben, bonsoir, Michel. D'abord, merci, comme à tous les autres, d'être là, parce que ces gens-là sont bénévoles. N'oubliez pas, c'est 2 heures de leur temps bénévole. C'est un grand plaisir. Mais à chaque fois que je te vois jouer, j'ai toujours une question dans ma tête. Est-ce que je regarde un technicien ou je regarde un musicien? Parce que la petite boîte carrée qui est derrière toi, c'est toi qui l'as faite, oui? Oui. Oui. Alors, Chuck, oui. Non seulement, en plus d'être un excellent chanteur et guitariste, c'est également un type qui fabrique des amplis de très haut niveau. Parle-nous donc un peu de tes clients, tiens. J'ai un client... vite de même, là, j'en ai beaucoup. Soufolé, par exemple? Soufolé, non, je l'ai commandité pendant un an, Soufolé, mais ça a pas... C'est dans deux, là, on parle de 2003, là. Oui, bien, dans depuis le temps qu'elle 2000. Était venue, qu'elle était venue au festival à Mont-Saint-Anne. Oui. 2003. Il y a beaucoup de musiciens locaux qui jouent, dont Richard Carr, Pierre Lessard, qui joue avec Thunderband. Oui. À part ça... Puis non seulement, en plus de fabriquer des amplis, tu répares, j'imagine, oui, de la maintenance? Oui, c'est de même que je gagne ma vie, là, réparer des amplis. Puis je suis dans le domaine de la musique, fait que... C'est ça que le matin, quand je me lève, j'ai hâte d'aller travailler. Oui! Je ne sais pas si on peut te demander, est-ce que tu as beaucoup de guitares? Parce que je te vois avec ta belle Fender, ouais, rose à Paisley. C'est comme tous les guitaristes, c'est le syndrome de l'acquisition et revente. Acquisition et revente, recherche du son ultime. Puis là, j'ai pas mal fini. Je suis rendu vieux, là. Ça fait quand même 30 ans là, que j'achète puis que je revends. Là. Mais à ce temps, je suis rendu, j'achète toutes des pièces puis je les assemble moi-même. Et tu les modifies, c'est ça? Oui, oui. C'est tout. J'appelle ça des eBay casters. Mais Chuck, je pourrais-tu me permettre une chose? Faut dire aussi qu'il recycle dans les vidanges, puis il a remis ça sur le chemin. Ouais, ouais, des fois, il m'a déjà pogné dans le corps à vidange. Ah, puis ouais, j'ai sorti un paquet de fils, puis j'y répare, puis je prends des pièces dedans, puis c'est ça. Ça sent un bon fil, c'est un bon fil. Oui, il s'agit de le réparer, dans le fond. Excellent. Alors, bravo, on apprend des choses intéressantes. On va passer à la musique cette fois-ci. J'avais une petite note que je m'étais mise. En dessous de la pointe de pizza, Michel. C'est pas grave. De toute façon, je reviendrai à ça tout à l'heure. Je pense que je n'attendrai pas d'autres minutes. Je vais aller voir dans la foule s'il y a des gens qui auraient des choses à nous dire concernant leur intérêt pour CKRL. Est-ce que quelqu'un qui est un auditeur de longue date, par exemple, voudrait nous dire depuis combien d'années? C'est pas très bavard tout d'un coup? Oui? OK, oui. Un an seulement. Bon. Alors, il y a André ici, lui, quelques années, oui. Moi, je suis une vieille pédale. Je me souviens du début des années 73-74. C'est CKRL, dans le temps, était très, très, très avant-gardiste. On avait un volet progressif. Mais en passant, Michel, il y a un gars à soi que je voudrais saluer en passant. Je sais qu'il nous écoute parce que sa santé est plus ou moins. C'est notre ami Jean-Claude Dessène. Je voudrais le saluer en passant parce que je sais qu'il nous écoute. Puis, en tout cas, je remercie tout le monde d'être ici encore à soir, puis d'avoir des fins collaborateurs. Puis je salue en passant mon ami Charles Gilbert, qu'on surnomme Chuck, qui est un grand bonhomme, qui a fait beaucoup pour les musiciens à Québec, puis qui aide beaucoup les musiciens pour toutes sortes d'affaires. Je le remercie infiniment, puis bonsoir tout le monde. Bravo! Merci, André. Merci. Il y a beaucoup... Il y a Mme Paquette qui est là aussi. On va saluer Mme Paquette, qui est une auditrice fidèle et qui ne manque jamais de commenter la musique qu'on fait jouer le vendredi soir. Quand elle aime ça, on le sait. Alors, messieurs, je vous cède le plancher. Merci beaucoup, Michel. On va faire une composition que j'ai faite sur un album. Et j'aimerais aussi passer un peu une annonce que demain soir, on est au Saint-Og. À Saint-Augustin-de-Desmaures, on commence à jouer notre spectacle à 21h. Donc, on vous invite, tout le monde de la région. Ils rendent la place en masse, on peut rentrer plein de monde là-dedans. Ce qui serait le fun, ce serait de fouler ça. Hein? Donc, on vous invite demain soir au Saint-Og pour 21h à Saint-Augustin-de-Desmaures, le Racine Blues Band. Merci beaucoup. Je voudrais que tu sois mon dernier amour pour toujours, toujours. Ne plus jamais être blessé, mais sans souci pour l'avenir, aimer pour toujours, aimer. Ouais, d'amour, aimer d'amour, seul dans mon lit à tous les matins. Moi j'en peux plus de ce chagrin, de mon éveil à la lueur du jour. Te serre dans mes bras, de compter mes joies. Soir de pluie, tous mes espoirs ont traversé d'ennui. D'autres malheurs m'apparurent si doux, comparé à tout ce qui m'est passé. Je voudrais que tu sois mon dernier amour pour toujours, toujours. Ne plus jamais être blessé, aimé. Je voudrais que tu sois mon dernier amour. Pour toujours, toujours. Ne plus jamais être blessé et aimé. Et merci beaucoup. Cette émission vous est présentée par la SDC 3e Avenue. La SDC 3e Avenue stimule la vitalité économique du Vieux-Limoilou en offrant aux gens d'affaires un milieu dynamique, créatif et compétitif. La SDC 3e Avenue représente plus d'une centaine de commerces, professionnels et organismes. Elle intervient dans de nombreux domaines tels que le développement économique, l'aménagement urbain, l'organisation événementielle et la promotion du secteur du Vieux-Limoilou. Vous êtes intéressé à faire des affaires sur la 3e Avenue? Nous pouvons vous aider en partageant notre connaissance du milieu, nos études de marché, les locaux à louer et bien plus encore. Suivez-nous sur Facebook à SDC Limoilou pour connaître les dernières nouvelles du quartier et participer à des concours. Alors, mes chers amis, on est déjà de retour pour la dernière demi-heure de l'émission Rue d'Auteuil spéciale blues avec ce soir le Racine Blues Band. Et comme c'est notre bonne habitude, à 21h30, on donne le grand coup. C'est-à-dire qu'on tamise les lumières. Bon, ici, on ne tamisera pas plus parce qu'on ne verra plus rien. En passant, j'avais vraiment une impression qu'on était dans un juke joint à quelque part dans le sud des États ce soir. Il y avait une très belle atmosphère. Puis ça, c'est dû moitié au band, moitié au public. Alors, bravo à tout le monde. Alors, les gens vont s'approcher tranquillement et on va passer à une chanson qui s'appelle « Réveille-toi ». Et n'oubliez pas que durant cette demi-heure, on va également s'entretenir avec celui qui n'a pas eu l'occasion encore de s'exprimer, c'est-à-dire Jean Le Tarte, le batteur. Mais pour l'instant, place au blues avec Racine Blues Band sur les ondes du 89.1 CKRL. Et n'oubliez pas que nous sommes en Radioton. Allez sur votre site ckrl.qc.ca et vous allez pouvoir nous écouter en direct où que vous soyez et aussi aller consulter les lots qui sont à l'encan. Place à la musique. T'as perdu ton chemin dans une vie insensée. Tu tournes en rond. Tu ne peux plus te retrouver. Réveille-toi, y a juste toi qui peut t'aider. T'as déjà été fort. Et tu peux l'être encore. T'as tout eu pour toi. T'en as trop abusé. Réveille-toi, y'a juste toi qui peut t'aider. T'as déjà été fort et tu peux l'être encore. T'as tout eu pour toi. T'en as trop abusé. Réveille-toi, y'a juste toi qui peut t'aider. C'est rendu, faut que je te prenne la main pour avancer. Parce que toi tu es seul, tu ne sais plus où aller. Réveille-toi, y'a juste toi qui peut t'aider. Réveille-toi, y a juste toi qui peut t'aider. Je vais en profiter pour faire une autre annonce, hein, Michel. Faut pas oublier, nous oublier, demain, on est au Saint-Og, à Saint-Augustin-de-Desmaures. On a un spectacle à 21h. On vous invite tout le monde à venir nous voir. Et là, ça va être grandiose. Ça va être incroyable. On vous invite tout le monde. Est-ce que vous aimez ça à date? J'ai rien entendu. Oui! Find the light that guides you through the cloudy day. When the stars are shining bright, you feel like you've lost your way. When the candlelight of home burns so very far away. Now you got to let your soul shine, just like my daddy used to say. He used to say, soul shine, it's better than sunshine. He's better than moonshine, and I'm sure better than rain. And our people don't mind the way I get is with sometimes. We gotta let the sun shine and shine till the break of day. I grew up thinking that I had it made and gonna make it on my own. Life can take the strongest and make him feel so long. Now sometimes I feel the cold wind blowing from my aching bones. Nothing but my daddy said, it's a boy, the darkness before the dawn. He used to say, sunshine, it's better than sunshine. It's better than moonshine, but I'm sure better than rain. And our people don't mind the way I get it sweet sometimes. You gotta let the sun shine, it shine till the break of day. Sometimes a man can feel this emptiness, like a woman has robbed of his very soul. Woman too, God knows she can feel like this. But when your world seems cold, you gotta let your spirit take control. Thank you. says sunshine. He's better than sunshine. He's better than moonshine. And I'm sure better than rain. And our people don't mind. We are getting sweet sometimes. But God, let the sunshine shine till the break of day. He's better than sunshine. He's better than moonshine. And I'm sure better than rain. And our people don't mind. We are getting sweet sometimes. Gotta let the sun shine. Shine till the break of day. Chanceux, parce qu'on entend la musique telle qu'elle se joue live. On n'est pas devant un immense parterre comme au festival d'été ou quand on est dans une grande salle comme le Vidéotron. C'est comme si on jouait la musique pour nous dans notre salon. C'est vraiment l'impression que j'ai ce soir. Et puis, je l'apprécie d'autant plus. Et avant d'aller s'entretenir brièvement avec Jean Le Tartre, le batteur, je voulais vous communiquer une petite nouvelle qui vient de m'arriver. Notre généreux donateur nous a encore une fois fait plaisir cette année pour le Radioton. Il vient d'appeler pour nous donner un 300$ supplémentaire. Alors, c'est beau ça. Monsieur Gaston, je vais le nommer Monsieur Gaston Roy, qui travaille très fort, mais ce soir, dans sa soirée de travail, a pris du temps pour appeler, pour nous donner un 300$ pour le Radioton, et ça mérite d'être souligné. Bravo. Merci beaucoup. Jean. Oui, monsieur. Bon. Il y a le téléphone qui sonne. Je pense que c'est un homme tellement discret, je ne suis pas sûr qu'il apprécierait ce genre de dommage. Jean, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. T'es vraiment derrière, on a moins l'occasion de te voir, mais on t'entend quand même très bien. Le gardien de but. Hein? Je regardais cet après-midi sur ta page Facebook et oui. Je te voyais avec les mégatonnes, avec les versatiles, enfin les méga-versa. C'est dans tes projets, ça. Oui, on est en train de former ça, moi et Roger Baudet, qui était dans les versatiles à l'époque. On parle des années 60. J'ai commencé très, très jeune. Très, très jeune. C'est vrai, j'ai pas l'air de 50. Hein. Et puis c'est ça, on était prêts à travailler là-dessus. On va faire de la musique un peu comme Mega Versa faisait. Ils ont laissé tomber, eux. Et puis on fera de l'instrumental, comme eux faisaient à l'époque. En plus, ben, il va y avoir des chansons. Je fais partie d'un des chanteurs. Oui. Est-ce que vous avez des projets comme pour le Festival de Joliette ou quelque chose? Oui, bien, cette année, on est en train de monter la formule. C'est quand même c'est deux répertoires. Alors, c'est un petit peu plus d'ouvrage qu'à l'habitude. Puis on est six. Avec, on a des guitares, orgues, un saxophone. Il y a à peu près tous les genres. Pour ceux qui aiment la musique, les nostalgiques du rétro, eh bien, il n'y a pas de problème. On le fait, Caravane. Vous faites ça, oui. La petite samba de... Des Ventures. Que tout le monde, oui, faisait, mais qui remontait, je pense, à Duke Ellington, mais je ne suis pas sûr. On va faire une recherche là-dessus. Oui, on va en parler. L'an prochain, Radio-Temps, on a des choses. Alors, on a notre Riders on the Storm qu'on va attendre peut-être pour cette année ou l'an prochain. Oupelay, la pédale! Un petit surplus de travail. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un nommé Johnny Winter ici. j'ai eu le plaisir de le rencontrer, Johnny. J'ai eu le plaisir de m'asseoir à sa table, dans sa roulotte. Michel, je pourrais te dire de quoi? En plus que le Racine Bluesman a fait la première partie de Johnny Winter. Hein? Oh yes! Et Johnny est un gars extrêmement timide. Ça m'a surpris parce qu'avec toute la gloire qu'il connaît, l'importance qu'il a dans l'histoire de la musique, au contraire, c'est un type extrêmement timide, très généreux également. Aucune retenue dans ses commentaires. Exemple, je lui demande, est-ce que quand vous ne faites pas de la musique, qu'est-ce que vous faites? I watch TV. What's your favorite program? I love The Simpsons. Alors, puisqu'on parle de Johnny Winter, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas avec une de ses chansons avec le Racine Blues Band? Bonne idée. Thank you. Il faisait ça, le yay! Walking by myself, I hope you understand. I just want to be your lover, man. Love you, yes, I love you with all my heart and soul. Would mistreat you for all you waited and go. I gave you all my loving. What more can I do? Walking by myself, I hope you understand. I just want to be your lover, man. Le temps court, le temps file. Étant donné que nous n'avons pas le temps de jouer toutes les pièces prévues à l'horaire, je vais tout de suite en profiter pour faire mes remerciements. Puis tout de suite après, ils vont nous faire la dernière pièce de la soirée, c'est-à-dire The Thrill Is Gone, B.B. King. Mais avant, je dois remercier ceux qui se sont succédés en avant à la salle de contrôle, c'est-à-dire Jean-Philippe Deschênes et Jacques Dulac. On les applaudit. Simon Roy, qui est ici directeur technique. Anne-Christine Gay, qui était la patronne, la boss. Où est-ce qu'elle est? Et enfin, évidemment, le public qui est là, parce que vous autres, vous avez été les artisans. Et que dire de notre barmaid Isabelle? Et enfin, le Racine Blues Band. Alors, on applaudit tout ce monde-là. Gone away. You done me wrong, baby. You're gonna be sorry someday. Fred's gone. The Fred is gone away for me. Fred's gone. Turn it down away from me. I thought I'd sell the bond, but so lonely I'll be.